Tony Danza loves French kick. Love it. Freestyle. New track. Tony Danza. French kick. Ouais, ouais, ouais. Rap de temps en temps, mais si tu me tentais brusquement dans le vent, rapidement je prends les devants. Chez moi pas de vie, je verrai bien où mène la tise. Si la vie est pleine de vie, c'est qu'elle est grise, je relativise. Pas en jouant toujours sans arrêt à ma folle console, mais en tigeant toujours fracassé ma fiole d'alcool ou bien choper une feuille pour écrire. Ben laisse-moi taper mes délires, dis-moi qu'est-ce que t'as, gars, t'es pas cordial là. Pose des sans arrêt chez moi, je reste encore arraché là. Toujours gangsta shit, alors qu'est-ce ta chute? Tiens ça dans ta chatte, à ce jour qu'on te gâchit. Si t'es une jolie biche, je t'appellerai ma biche. Bah, si t'es un petit clash égaré qui veut tester, je t'appellerai à rappeler et respecter. White Daz, toujours en ride, hey, toujours trop die, mais toujours de taille, ouais, toujours Westside. Westside, gangsta. Ok, ok, c'est mélonime. Si, si. Les idées prolifèrent en recherche de vocabulaire. Mais pas besoin du petit Robert, un beat et je laisse le reste se faire. Passionné par les mots, puis étonné par certains flots. À la section d'assaut, perso ça me file le frisson dans le dos. J'approuve Kerry et son retour du rap français. Un message à passer, du concret, pas simplement on va tout niquer. Pas tenté par le taf en costard, ou t'es sous pression, ou du matin au soir t'as la chemise dans le pantalon. Du BPM au MP3, du street CD à la scène. Toujours le même combat, c'est forcé de rester le même. C'est parti pour épater les poteaux, sans pour autant laisser de côté, laisser passer le poids des mots. J'invite comme buzz éclair, le rap c'est mon univers. Pour moi c'est comme un grand bol d'air, j'y mets l'art et la manière. Pour moi c'est comme un grand bol d'air, j'y mets l'art et la manière. Cousin, c'est Mess. Je déborde comme un bon tac, déteste le travail bâclé. Dans le danson, je mets du tac. Les gueules veulent me détecter, me prennent pour un autochtone. J'ai que 2 grammes de conso, ils croient que je lui grave des tonnes. J'ai juste besoin d'un peu de monnaie pour acheter un chicken chica. Faut pas que je finisse trop mec pour pouvoir tchatcher les chicas. Tu vois les balles, 4-9 dangers, je me lève à 15h. Petite douche, taille, Westside. Je suis un rider, Stan Smith, c'est qui? Je vais chez Riders avec un peu de cheese. Je vise les misses qui se promènent, putain, elles sont toutes splendides. Il manque plus que les palmiers, voir en Californie. Dans le baladeur, ça fait Roger avec un peu de sugar free. Ma journée comme ancien, moi plus qu'une chicha aux fruits. Sur la terrasse des tasses, chaque fois ça va bien se finir. Aïe.